Le groupe de recherche musicale de la Radiodiffusion Télévision française vous présente aujourd'hui le conditionnement musical. Le bruit, m'avez-vous dit, Pierre Schaeffer, c'est pour la musique le retour aux sources. Et c'est vous, Cécile Barra, qui me l'avez fait dire en me posant la question embarrassante de vous révéler l'essentiel de 10 années de recherche. Pour qu'il n'y ait aucune équivoque, je vais résumer le chapitre précédent, ou du moins ce que j'en ai compris. Allez-y. Premièrement, il n'y a aucune différence spécifique entre un son musical et un bruit. Exact. Et par exemple, piano tôle. Je me souviens, vous m'avez, en effet, à ma grande confusion, mise dans l'impossibilité de distinguer nettement un prétendu son musical, le la grave du piano, et un prétendu bruit, la percussion si voisine d'une grande plaque de tôle. Et ensuite, nous avons cependant été d'accord pour exclure des bruits utiles en musique, les bruits anecdotiques. Mais vous avez rétorqué qu'un violon était toujours reconnaissable en tant que tel, et qu'il n'y avait pas de raison en soi qu'une porte ne soit pas promue à la dignité d'instrument de musique. Là, vous forcez un peu ma pensée. Je n'ai pas l'intention d'ériger une porte en instrument de musique, mais je prétends qu'un violon, indépendamment des notes qu'il émet, montre toujours sa carte d'identité de violon. Et la question est de savoir pourquoi un violon est en soi musical et qu'une porte ne le serait pas. Tel était en effet le point où nous en étions restés, de savoir s'il y avait un musical en soi, intrinsèque, ou seulement un musical relativement aux habitudes de l'auditeur. Nous en étions en effet restés au problème fondamental du conditionnement de l'écoute. Conditionnement signifiant, si j'ai bien compris, tout le contexte de l'éducation, de l'ethnologie et de l'histoire attaché à chaque époque ou à chaque civilisation musicale. Et je vous ai dit notre prétention à Paris en 1959 de ne pas limiter nos ambitions à une musique d'époque qui serait par exemple concrète ou à une musique de civilisation qui serait par exemple électronique, mais à une musique tout court qui, pour mériter ce mot, devrait être plus que jamais universel, assumer présent, passé et avenir, et en quelque sorte surmonter tradition et progrès, voire même certains racismes esthétiques. C'est là une noble ambition. Ce serait la musique expérimentale. Claude Bernard dit quelque part que la méthode expérimentale faisant reculer l'erreur ne peut que rapprocher des opposants naguère farouchement axés sur des vérités partielles. Espérez-vous convaincre d'éminents musicologues, notamment ceux comme Robert Sioan, Maurice Faure, lesquels, si bienveillants qu'ils soient à l'égard de nos efforts, nous reprochent de ne pas distinguer la musique d'un nouvel art dont ils ne méconnaissent pas l'intérêt et qui serait un art des bruits. Cette génération passera, oserais-je dire, avec toute la modestie du thaumaturge, mais cette affirmation ne passera pas, ouvrez bien les oreilles. Il ne saurait y avoir de musique, car la musique tout entière, traditionnelle, moderne, chinoise ou italienne, n'est qu'un immense art des bruits. J'entends des huées dans la salle. Alors faisons un peu d'ethnologie et de musicologie comparée. Je vais faire une démonstration en 2 points. Premièrement, toutes les musiques se ressemblent, sont le contraire du bruit, mais bien le jeu de la mélodie et de l'harmonie. Deuxième point, deuxième partie de la démonstration, toutes les musiques s'opposent, divergent, selon les civilisations, notamment, et repose essentiellement sur autre chose que la mélodie et l'harmonie. Je suis curieuse de savoir comment vous allez vous tirer de cette gageure. Allons-y gaiement. Envoyez, s'il vous plaît, le violon chinois ou japonais, peu importe, enfin quelque chose d'asiatique. Et alors ? Poursuivons. Envoyez, s'il vous plaît, le balafon africain. Minute papillon, envoyez le folklore indien, voire bengali. Amitine gotine tomade, Ces jeunes Bengalis chanteraient au clair de la lune que ça ne m'étonnerait pas. Je ne vous le fais pas dire. Envoyez enfin en guise d'apothéose la gavotte des hauts plateaux de la Nam ou du pays Moy. Je vous tiens pour perdant à un point qui m'étonne moi-même. Toutes ces musiques sont mélodiques dans une identité de formule qui ne m'était jamais apparue. Je conviens qu'il y a là une belle provende pour les musicologues de tout poil, à grand renfort de chromatisme, diatonisme, clé de sol et clé de fa, l'homme blanc étant définitivement armé avec sa chère petite tête cartésienne pour donner une explication à tout, digne d'être soutenu en Sorbonne. Autrement dit, la musique universelle, c'est do, ré, mi, fa, sol. Ceci bien établi, démontrons aussitôt le contraire. Mais d'abord, petite explication économico-sociologique. Vous trichez. Pas du tout. Les preuves sonores vont suivre, mais je dois vacciner au préalable votre oreille archi-conditionnée, ou bien vous n'entendrez rien. Vaccinez donc. Admettez-vous que les Blancs aient non seulement hérité des clartés grecques, de l'arithmétique de Pythagore, de la logique d'Archimède, mais aussi d'un climat tempéré, quoique pluvieux, et qui les ait contraints, dès la sortie des cavernes, de s'abriter dans des habitacles eux aussi raisonnables, architecturés et plus récemment air-conditionnés. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Ne m'interrompez pas. Admettez-vous que cette civilisation industrieuse, artisanale, ait donné lieu à Stradivarius, Cliquet Pleyel et quelques autres, inventeurs de clavecins bien tempérés. Je commence à comprendre. Admettez-vous par contre que l'Africain, plus souvent nomade que sédentaire, qui lui aussi a besoin de musique, n'aille pas charger ses chameaux d'un piano, fût-il quart de queue. Je trouve vos propos surprenants. Je vous trouve particulièrement conditionné. Soyez poli. Le zanzi, vous savez ce que c'est ? Non. Voilà. Instrument admirablement portatif. Se porte en effet autour du cou, poids 120 grammes, peu coûteux, petite lamelle de fer coincée sur un résonateur de bois creux, ornée de petits colliers qui font bzzz. D'où le nom de zanzi. Sûrement pas. Écoutez bien ce qu'en langage concret nous appelons accident, sur une note complexe émise par un zanzi. Quel intérêt cela a-t-il ? Aucun pour votre oreille conditionnée, mais la délectation du caravanier, qui se le répète à satiété, ou plutôt non, sans satiété, et durant des mille et des mille, et aussi des millénaires. Cela ne me dit rien. Parce que vous habitez le 16e arrondissement, vous avez des aptitudes à être critique musicale, peut-être ? Cette musique-là, c'est l'opium du peuple. Ouais, cet opium-là n'est pas si mal. Et je vous réponds par un autre opium du peuple, la même caravane, revue et corrigée par les nègres blancs. Ça, j'avoue. Vous sentez quand même un peu où commence la décadence, non ? Où finit le primitivisme et où le sel des grands espaces s'affadit et se transforme en sucrerie. Peut-être. De là à la jukebox, il n'y a qu'un pas. C'est Vénus toute entière à sa proie attachée. Faire un tel usage de la musique électronique, quelle horreur ! Ah, j'en frémis moi-même, mais c'est vendable. Ainsi, le matérialisme historique domine pour une grande part l'expression musicale. Ce zigzag dialectique est certes passionnant, mais nous éloigne sensiblement de votre démonstration. Laquelle déjà ? Que la musique universelle n'est pas à base de do, ré, mi, fa, sol, mais de bruit. Ah, en effet, j'avais oublié. Eh bien, reprenons cette proposition en termes plus adéquats. Après avoir démontré que toutes les musiques du monde avaient en commun les variations mélodiques, c'est-à-dire l'exploitation des sons relativement à leur caractère de hauteur, démontrons le contraire, ou plutôt le complément, à savoir que les mêmes musiques divergent absolument, hors de ce dénominateur commun, dans leur prédilection, chacune, à utiliser les caractères non mélodiques du son, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement la proportion de bruit contenue dans chaque son musical. Expliquez-vous. Je vous ai donné tout à l'heure un exemple asiatique, hindou et africain. C'est cela en effet. Eh bien, reprenons trois autres exemples, respectivement asiatique, hindou et africain. Voici par exemple une musique japonaise. Y a-t-il mélodie et harmonie ? Non. Y a-t-il variation de timbre ? Bah, c'est une variation de timbre si on veut, mais pas au sens occidental, car il ne s'agit pas d'un instrument différent. C'est le même instrument, mais il y a variation de forme. La musique naît ici de subtiles différences formelles entre le premier et le second son de cette série. Vous dites série ? Ah, je dis série comme je dirais, Klangfarben, mélodie ou n'importe quoi. Ces mots sont dépassés et n'ont plus aucune importance. Passons à l'Afrique, voulez-vous ? Même question. Y a-t-il mélodie, harmonie ? Il y a rythme. N'y a-t-il pas de légers accidents mélodiques ? Si, il me semble. Ces diverses percussions ont non seulement des hauteurs différentes, mais chacune un dessin mélodique. Est-ce important ? Oui, mais j'avoue que ce n'est plus do, ré, mi, fa, sol. C'est d'abord ta-ta-ta-ta-ta, n'est-ce pas ? Dernier exemple, la preuve par neuf. Exemple hindou ? Oui. Cette fois, c'est plus mélodique. Certes, horriblement, mais est-ce do, ré, mi, fa, sol ? Non, une interminable partie de cache-cache avec le diapason. C'est-à-dire le jeu des hauteurs, non plus pour une dialectique de la hauteur, mais pour des raisons quasiment opposées, le mouvement, le suspense. En un sens, l'anecdote. Je n'osais vous le faire dire. Ainsi, le plus pur paramètre musical, le plus abstrait, celui des hauteurs, retourne à la masse, redevient si particulier qu'il n'est plus qu'une signature géographique, le nom d'une île sur l'océan, par exemple. J'ai horreur de ça. Et de ceci ? Curieux. C'est un sauvage, signature géographique. Musique universelle. Ah là, vous jouez au poker. Mais vous gagnez, c'est Webern. C'est laid quand même. Laid ne veut pas dire grand-chose. La laideur a aussi son histoire et sa géographie. Et tout le problème en art est de besogner minutieusement pour acquérir des valeurs, certes fournies par l'histoire et la géographie, mais qui méritent d'être intégrées en dehors du temps et de l'espace. C'était Webern, mais c'était du violoncelle. Permettez, c'était du violoncelle, mais c'était Webern. Quel voltige ! Non, c'est très simple et c'est très important. Et je voudrais que vous compreniez que si c'est musical, ce n'est pas parce que c'est du violoncelle, du zanzi ou de la guitare hawaïenne, c'est parce que c'est un musicien qui, à l'aide des cordes, dans le cas de Webern, a créé un nouvel objet sonore et a incorporé cet objet nouveau en extension au domaine traditionnel. Mais le zanzi... Si le zanzi reste absolument africain et la guitare absolument hawaïenne, il n'y a pas de progrès, pas d'universalité. Si par contre, il y a échange entre les civilisations... Cet échange se traduit souvent par des imitations lamentables, par la destruction totale des valeurs primitives. C'est hélas trop vrai, il ne s'agit pas d'imitation. Mais comme pour la peinture et la sculpture qui depuis 50 ans... se sont inspirés des masques nègres, de l'estampe japonaise, de la poterie mexicaine. Il s'agit pour la musique de faire son retour aux sources et de retrouver son inspiration dans des primitifs. Vous voulez incorporer le zanzi à l'orchestre ? Précisément, c'est l'idée qu'il faut s'enlever de la tête. Nous voulons emprunter aux primitifs non pas leurs objets mêmes, mais leur liberté de démarche. Et deux libertés de démarche, celle de la création d'êtres musicaux originaux et deuxièmement, la liberté des dimensions de la musique. Qu'entendez-vous par dimension de la musique ? Eh bien, si la musique occidentale a magnifiquement réussi dans l'articulation mélodique et harmonique, c'est dans une dimension, celle de la hauteur. Il y en a d'autres. Il faut la délivrer de cette prison dorée, lui montrer les autres dimensions qui sont déjà parfaitement jalonnées par les primitifs africains ou asiatiques. Bon, j'admets. Mais ce que je ne comprends plus du tout, c'est la relation de votre présente démarche avec la musique concrète ou électronique ou expérimentale. Ah. Nous sommes loin du phonogène, des sons blancs et autres astuces modernes. C'est au Musée de l'Homme que vous devriez vous installer. Nous en ferons le sujet de notre prochain entretien. Mais pour terminer celui-ci, laissez-moi vous raconter une anecdote véridique. J'étais à Maroua, en Cameroun Nord, en 58, et répondant à ma demande, l'amido du lieu voulut bien convoquer ses musiciens. Et je fus bientôt l'auditeur unique du plus vaste ensemble symphonique que l'Afrique m'ait donné d'entendre. Plus de 15 formations s'étaient en effet rendues chez le Lamido et m'y attendaient. Et alors ? Et alors, devinez ce qui se passa ? Vous en avez eu pour un bout de temps. Oh, notion du temps essentiellement occidentale. Oh, réflexion d'une Parisienne pressée, habituée aux horaires, au calendrier, au baromètre. Pourquoi au baromètre ? J'ai omis de vous dire qu'il faisait un orage effroyable qui comptait bien pour quelques orchestres supplémentaires et qui recouvrait le tout d'une puissante douche. Les gens étaient dehors ? Les gens étaient dehors et tout le monde jouait en même temps. Vous entendez bien ? Tout le monde jouait en même temps. N'écoutant que mon bon cœur, après une bonne heure d'écoute, je priais le Lamido, c'est le nom, mélodique, j'en conviens, des notabilités camerounaises. Je priais donc ce Lamido de bien vouloir mettre ces gens à l'abri et, mettant à profit cet entracte, je lui demandais timidement de les écouter de préférence les uns après les autres. « Et pourquoi pas ? » dit-il. C'est l'expérience que vous voulûtes refaire pour vos auditeurs de la salle Gaveau. Je pensais en effet que le Lamido Gaveau aurait bon esprit d'accueillir sous sa vaste hutte nos distingués auditeurs et de les baigner dans cette polyphonie non écrite et non apprise des conservatoires, celle qui m'avait si violemment irrigué les canaux semi-circulaires. Et en quoi l'électroacoustique ? Eh bien, l'électroacoustique permettait justement, par magnétophone interposé, et la prise de son de ces différents éléments et leur judicieux mélange à des niveaux convenablement calculés. Des trucages, quoi ? Pas du tout des trucages. Mettons un arrangement, une réduction. Dites-moi, quand vous allez au cinéma, vous n'exigez tout de même pas qu'on lâche les lions dans la salle ? Est-ce respectueux et pour la musique nègre et pour les auditeurs ? Est-ce respectueux de laisser pourrir les cadavres, dessécher les momies ou est-il plus généreux de les arracher du sommeil et de l'oubli et de les livrer à la consommation courante ? Si les musicologues vous entendaient ? Ils m'entendent, n'en doutez pas, mais ne comprennent point. Et soit dit entre nous, aux musicologues, je préfère les cannibales. Comment s'appelle votre reconstitution ? Le fragment que vous allez en entendre s'appelle « Simultané camerounais ». Le groupe de recherche musicale de la radiodiffusion télévision française vous a présenté le conditionnement musical. La semaine prochaine, à la même heure, expérience numéro 3, la musique expérimentale.